Marcel Schwab, 14e siècle, les routiers, Mérigot Marchès. Nous avions battu le pays d'Auvergne, l'espace de 3 mois, sans rien y trouver de bon, parce que la terre est désolée. Il n'y a là que de hautes forêts, où les fougères croissent en travers, aussi loin qu'on peut voir. Et les pâturages sont maigres, si bien que les gens du plat pays font juste assez de fromage pour ce qu'ils peuvent manger. Toutes les bêtes sont décharnées, même les sauvages. On ne voit de ci de là que des oiseaux noirs qui s'abattent en criant sur les rochers rouges. Il y a des endroits où le terrain crève parmi les pierres grises, et les bords du trou semblent teints de sang. Mais le 12 juillet de cette année, 1392, comme nous partions de Seigne, qui est de Vermauriac, pour aller à Arches, nous trouvâmes de la compagnie dans une taverne de ces montagnes. C'est un hôtel où on fait mince chère, à l'enseigne de Pourcelet. Et la chopine de vin y est si dure qu'elle vous fait peler la bouche. En mangeant un morceau de fromage à toute une tranche de pain noir, nous dîmes quelques paroles à un compagnon qui se trouvait là. Il avait la mine d'avoir servi dans les grandes guerres et peut-être contre le roi. Nous le vîmes par son basilaire de façon anglaise qui paraissait usé à force de frapper sur les bassinets de buffles et de torchons. Son nom était Robin le Gallois, comme il nous dit, et il avait une manière de parler étrangère, étant d'Aragon. Il nous raconta qu'il avait été dans les compagnies, efforçant les villes à l'échelle, où il rôtissait les bourgeois pour savoir les cachettes d'écus. Et ses capitaines avaient été Geoffroy Tête Noire et Mérigot Marchès du Limousin. Ce Mérigot Marchès avait été décapité l'an passé aux Halles de Paris, et son dernier tourment si notable que nous avions vu sa tête au bout d'une lance sur l'échafaud. Une tête couleur de plomb, avec du sang caillé au nez et les peaux du cou qui pendaient. Nous prîmes du cœur sur ce récit et lui demandâmes s'il y avait quelques ressources dans le haut pays pour les gendarmes. Sur quoi, il nous dit que non, pour les grandes pilleries des compagnons qui y avaient été 10 ans et plus, en compagnie desquelles il avait bravement rançonné les bourgs et couru les terres tant qu'il ne restait pas la queue d'un cochon à griller. Et comme il semblait qu'il eût bu de ce vin aigre de la contrée d'Auvergne, sa tête s'échauffa et il nous fit ses plaintes. Il disait qu'en ce monde, il n'est temps, et battement ni gloire, que de guerroyer à la façon des compagnons. « Tous les jours, dit-il, nous avions nouvel argent. Les vilains d'Auvergne et de Limousin nous pourvoyaient et nous amenaient les blés, la farine, le pain tout cuit, l'avoine pour les chevaux et la litière, les bons vins, les bœufs, les brebis et les moutons tout gras, la poulaille et la volaille. Nous étions gouvernés et étoffés comme rois, et quand nous chevauchions, tout le pays tremblait devant nous. Tout était nôtre, allant et retournant. Les capitaines prenaient force argenterie, aiguières, tasses et vaisselles plates. Ils en emplissaient leurs arches ferrées. Quand notre captal, Mérigot Marchès, alla tenir le roc de Vandas, il en laissa ici bonne provision. Ou, je vous plaige que j'en sais peut-être quelque chose. Dites, compagnon, sans Dieu, vous avez été dans les routes de gendarmes, vous cherchez une compagnie, Nous pouvons faire convention. Allez, la France est notre chambre, c'est le paradis des gendarmes. Puisqu'il n'y a plus de guerre, il est temps de lever notre argent. Je vous offre partage discret de l'argenterie et vaisselle de Mérigot Marchès. Elle est dans quelques rivières près d'ici. J'ai grand besoin de vous pour la reprendre. » Je regardai Jehanin de la Montaigne qui levait le coude. Il me cligna de l'œil. Notre ami Museau de Brugis nous avait si fort pressés que nous n'avions plus un denier dans nos bourses. Nous devions faire argent de tout pour reprendre notre bonne chère au retour. Je parlai donc plus à plein à ce compagnon Robin le Gallois, tenant propos pour moi-même et pour Jehanin de la Montaigne. Et nous fîmes une convention que le partage serait équitable si la moitié du trésor revenait à lui, Robin, tandis que nous aurions chacun le quart. Une chopine de vin consacra notre pacte, et nous sortîmes de l'hôtel environ comme le soleil tombait derrière le rideau de montagne qui est vers le couchant. Comme nous marchions, nous entendîmes hucher derrière nous. À l'ouïe duquel huchement, Robin se détourna, disant qu'il reconnaissait le signal de sa compagnie. De fait, se présenta sur le côté de la route un homme fort déchiré, à houppelande verte, qui avait la figure blême et l'omus rabattu sur les yeux. Don Robin nous dit qu'il se nommait le Verdois et qu'il convenait l'emmener avec nous un peu pour qu'il ne s'aperçût de rien. La nuit tomba rapidement, comme il se fait en pays de montagne, et la brouasse s'épaississant, il vint un autre compagnon silencieux, vêtu d'un jaquet noir, à chaperon bien troué et quelque peu de barbe, ce qui nous surprit. Ôtant son chaperon par manière d'obéissance, le vit qu'il portait tonsure, comme un clerc. Mais je pense qu'il ne l'était point, car la seule fois qu'il rompit le silence, il jura le vilain serment. De celui-là, Robin ne dit rien, sinon qu'il hocha la tête et souffrit le compagnon silencieux marcher auprès de lui. Nous passions sur des rochers pointus, parmi des brousses ardues, avec une bise aigre qui nous coupait la figure, lorsqu'une main osseuse me saisit le bras, ce dont je reculai soudain. Le nouvel homme avait une mine qui portait la terreur. Ses deux oreilles étaient coupées ras et il était manchot du bras gauche. Un coup de basilaire avait fendu sa bouche, de sorte que ses lèvres se retroussaient à la manière d'un chien qui ronge un os. Cet homme, me tenant contre lui, avait un rire féroce et ne disait rien. Ainsi nous marchâmes sur le haut sentier d'Arche pendant environ 2 heures. Robin le Gallois jargonnait toujours, disant qu'il connaissait la route pour l'avoir faite maintes fois avec Mérigot Marchès, du temps qu'on pendait les paysans aux branches des arbres pour ne pas priver de leur récolte les oiseaux du ciel, ou qu'on leur mettait les chapeaux rouges à la tête avec des bâtons de cormier. Donc Mérigot Marchès avait été dépecé au hâle comme un bœuf, et ses 4 quartiers exposés aux justices du roi, parce qu'il était noble, fils de Monseigneur Emery Marchès du Limousin. Au lieu que lui, Robin, simple homme de guerre, aurait été faire aux fourches patibulaires de notre sire la moue à la lune. Venant de ça, le bourg d'Arche est une rivière qui coule au fond d'un ravin. Elle se nomme la Vanve et s'élargit environ 1 lieue au-dessus de la ville. La minuit était déjà venue et nous cheminions sur la rive de la Vanve qui est moitié de sable et de boue. De chaque côté sont des fourrés de brousse noire qui allaient au loin avec des bouquets de genêt jusqu'aux premières collines. La lune donnait une clarté pâle et nos ombres longues touchaient les brousses comme nous passions. Alors, on entendit soudain trembler l'air sous une voix aiguë qui chantait « Mérigot ! Mérigot ! Mérigot !» dont on eût facilement dit un oiseau étrange du pays d'Auvergne, huant et se plaignant parmi la nuit. Car cette voix était plaintive, et comme coupée de sanglots, ressemblant trop aux cris de douleur des femmes qui pleuraient ceux qui étaient morts durant les grandes guerres des Anglais. Mais Robin le Gallois s'arrête quand il ouït le cri de « Mérigot !» et je vis ses jambes trembler. Pour moi, je n'osais plus avancer, car je pensais bien que c'était Mérigot Marchès, et il me semblait voir monter parmi les brouées de la vanve sa tête couleur de plomb, d'où les peaux du cou pendaient. Le Verdois, le compagnon silencieux et le manchot, cependant, continuèrent à marcher et entrèrent dans la rivière. Ils y plongeaient jusqu'aux genoux parmi quelques roseaux. Robin le Gallois, ayant pris du cœur, courut à l'eau. Il y avait là un chenal singulier, aisé à reconnaître. Ils enfoncèrent leurs bâtons dans la boue. Jehanin de la Montagne et moi, nous creusions de nos basilaires. Jehanin cria soudain « Je tiens l'arche !» Alors nous tirâmes dans la boue sur un coffre de bois à ferrure, dont le couvercle, toutefois, parut défoncé sous les mains. Et, l'apportant à la lune, qui éclaira nos vêtements boueux et nos figures pâles, nous vîmes que l'arche était vide d'argenterie, pleine seulement de limons, de pierres plates et de créatures molles avec du frais d'anguille. Soudain, en relevant les yeux, nous vîmes une femme à côte perse qui pleurait. Et Robin le Gallois s'écria que c'était Mariotte Marchès, la femme de Mérigot, et qu'elle avait emblé l'argenterie. Le Verdois et le Manchot, jurant sourdement, allèrent vers elle. Mais elle appela « Mérigot !» et, s'enfuyant vers les brousses, nous cria que c'était le 12 juillet. Or, il y avait un an que Mérigot Marchès avait été mené à son dernier tourment, dont les autres dirent que nous n'avions guère d'espoir de trouver son trésor en une semblable nuit, parce que les esprits des justiciers volontiers hantent leurs biens terrestres aux jours et heures qu'ils sont trépassés dans les années de retour. Et nous nous en revînmes le long de la vanve, laquelle rivière coule en murmurant doucement. Et à coup nous remarquâmes, Robin, la Montaigne, le Verdois, le Manchot et moi, que le compagnon silencieux s'était évanoui dans les brousses. Alors Robin se mit à se lamenter, et nous pensâmes tous que Mariotte Marchès l'avait emmené doucement dans les fourrés noirs pour vivre avec elle dans une autre contrée, avec les plats, écuelles, coupes couvertes, drageoires, gobelets, pintes et bassins d'argent, que Mérigot Marchès avait enterré dans la rivière de Vanves et qui valait bien à tout le compte 6 ou 7 000 marques.